Le matin, tous les matins, là. C'est le moment, là. Il y a une petite émission de radio. Puis des fois, c'est drôle. Des fois. Pas tout le temps. On condense ça en 8 minutes, tu sais. Vous vous sauvez un bon 8 heures dans la semaine. Donc voici un instant classique. Voici les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 7 avril 2014. Je me suis brossé les dents, puis c'est ça, j'ai mis mon pyjama, ouais, mon one-suit. Ton one-suit, avec un petit chapeau là, de avec lapin. De lapin, ouais, ben c'est oui. Ça, puis, petit, bouboule. Oui, puis deux boutons en arrière pour pouvoir faire... Évacuer la pression. Exactement! Puis là, finalement, ben, j'ouvre là, la porte pour sortir le chat, puis mes clés étaient restées accrochées à ma porte de maison. Dans, toute la nuit dehors. Avec mes clés d'auto. À la vue. Toutes. Et moi, je te demander, est-ce que tu as vérifié dans tes fesses? Parce qu'on se rappelle, la dernière fois que tu as trouvé quelque chose, c'est dans tes fesses, je pense. Oui, c'est vrai. Télécommande, je pense. Ou télécommande, le chat. Le chat aussi, oui. Puis ma belle-mère. Les chimpanzés peuvent identifier d'autres chimpanzés qu'ils connaissent en regardant des photos de leurs fesses. Je regarde mes photos de vacances. Tu connais-tu ma tante Pauline? Un autre mot à deviner, Weeple, W-H-E-E-P-L-E. C'est quand un homme essaie de siffler très fort, mais qui n'est pas très efficace. OK, un peu comme, comme ça. Oui. Ça, c'est aussi une photo des fesses de chimpanzé, je pense. C'est la version sonore. C'est un vine. Les gens déneigent leur entrée. Ben oui, les bancs de neige. C'est important de péter ça. De péter ça parce que ça sent le caca en dessous de votre chien. Pas dessous de votre chien. Sauf qu'en dessous de votre chien, ça sent pas mal tout le temps le caca parce qu'il y a des fesses. Puis, non, on parle en dessous des bancs de neige. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus délicieux qu'un samedi matin ou dimanche matin quand il pleut comme vieux? Ça. Oh. Elle pluie pour point. Oui. Ben oui, si elle brûle pour point. Si on veut, là. C'est pas parce qu'on n'est pas samedi qu'on fera pas de jeu de mots, là. Ce gag-là me passe sur le dos d'une cuillère de canard. De canard. Ouais. Charles Patnaud. En tout cas, si on en fait des bonnes, on rigolera. Rigole. Parce qu'il y a beaucoup d'eau dehors. Ça rigole. T'aimes les filets de pluie dehors. Ouais. Tu filais bien dans ton lit. Ouais. T'aimes les filets de poisson. Donc, c'est ce qui nous amène, ouais, hein? À Kinky. Ah, ben, c'est ça. Comme un filet de poisson que tu t'insères, en tout cas. Kinky Sexy Time. Non, faut pas de mauvais jeu de mots de poisson. Tu t'aimes pour dans la craque, là, c'est wow. Ben, l'as-tu déjà essayé? Non, fait que tu peux pas en parler en mal. C'est ça. Tu n'as pas essayé. Il y a bien du monde qui me dit ça. Ben, l'as-tu déjà essayé? Non, mais. Ben, avec un petit peu de sauce aux prunes. Avec un petit peu de sauce. Un peu de sauce aux prunes, ça, c'est quand t'es vraiment là, t'es rendu régulier. Une activité sexuelle complète pendant une longue période de temps, ça peut mener à une réduction de la grandeur de l'entrejambe masculin. Ah oui, OK. Une inactivité complète. Eh bien. On dit il serait, que... Il se referme sur lui-même en disant comme... Il se recoqueville. Oui, il se recoque. Le plus haut nombre d'orgasmes vécu par une femme en une heure. Je veux dire 135 fois, Mathieu. C'est 134, bravo! Wow! Hey! C'est quoi les chances? Recoqueville, mon petit. Recoqueville. Sauf que j'ai encore overbité. C'est ça, tout le temps. Et par un homme... Là, t'as la chance de te rattraper, là. Bid 1. Oui, c'est ça. Tu vas gagner. Bit 1. Bit 1. Je voudrais biter, s'il te plaît. Bob. Voilà pour cette première partie de Kinky Sexy Time, KST. Ça m'appelle ça KST de notre vie, mais bon. C'est très drôle, par exemple. Cause I'm KST. Kinky Sexy Time. Jean-Philippe doit deviner le lien entre trois pièces. Donc, on avait au début du bloc Jack G. Marinovitch, on l'a dit tantôt, avec la pièce en dessous sur l'album Jackorama. Ensuite, Les voisins en dessous et L'économie est en train de faire tomber sur l'album Les voisins en dessous. Et finalement, Chocolat et ton appartement de l'album Piano élégant. C'est sans dessus-dessous. Les voisins sont en dessous dans ton appartement puis ils font des plaintes de bruit. Ah! La réponse, bon, on parle évidemment, bon, au milieu, on a eu... L'économie est en train de faire tomber. OK, tomber ton érection. OK, évidemment. Jack G. Marinovitch, qu'est-ce que c'est pas Jacky? C'est Jack G. Marinovitch quand même. Jackorama, c'est le nom de l'album. Jack, encore une fois. Il y a deux fois Jack dans le nom. Fait donc, il y a deux fois plus deux Jacky. Fois plus, c'est, oui, c'est Et chocolat, évidemment, quelque chose qu'on peut enduire le corps sur toi. Et piano, pénis. C'est la célèbre virlangue, comme on appelle. Voilà. Mathieu, je suis déçu de moi. Un peu, moi aussi, en fait. Elle aussi, elle se met la main dans la face. C'est le symbole international. Tantôt, Mathieu, il a fait un jeu de mots. Puis j'ai fait ça. Ouais. Non. Ça valait ce que ça valait. Son pesant d'or, comme on dit, de boyard. C'est ça, dehors, il pleut, hein. Il y a une haute pression atmosphérique. C'est pesant dehors. Pesant d'or. Pesant d'or. C'est lourd un peu, tes blagues. Oui, c'est lourd. C'est pesant d'or. On va se quitter avec une pièce du palmarès anglophone. C'est celle de Rebecca Higgs, Loneliness, sur l'album Shalala. À demain, JP. Shalala! Peux-tu faire un jeu de mots avec Shalala? T'as 3 secondes. Shalala? Faut que je fasse Shalala? Yeah! Yeah! Yeah! Bravo! Je finis sur un high! L'artiste mauricienne Sonia Payette. Hier, j'ai oublié de faire mon jeu de mots sur Sonia Payette. C'est comme ça que j'appelle ma PlayStation 3, parce que je l'ai bling-blingé. C'est une Sonia Payette. Il y a quand même un petit goût caractéristique du goberge qui reste, mais pas très fort. Mmh. Donc, on se donne le goût, berge. On recommencerait dans le Boris et Brel Ferry. Ah, ça marche. Oh, on se créera en France, comme si c'était un stéréotype. Ouais, c'est ça. Stéréo, tu sais, ça c'est un magasin électronique, ça je pense, un stéréo. Stéréotype. Vous vous rappelez peut-être, il y a quelques moments, il y a quelques mois, on avait un chroniqueur récurrent, tout le temps en train de faire la vaisselle en studio, David Ferron. Il nous a quittés pour aller rejoindre une autre équipe, apparemment, une équipe meilleure que la nôtre, hein, faut croire, Chantal Carignan, on ben sait pas. Là. Chantal Carignan puis Mathieu Plante. Oui. Mets ça à côté, voyons. Même combat, non? Il me semble. Non. Non. Parlant de gaffe, David Ferron m'a demandé tantôt si c'était. si je voulais vraiment qu'il revienne avant la fin de la session pour faire une autre chronique. Et là, François Landry a suggéré une. Radio-réalité. Radio-réalité. Oui, ce serait parfait. Oui. Une petite émission de 3 heures à la place des Osbournes. Ce serait les Ferrons. Ah, oh, il faut ça pour des chiens qui font caca partout. Sûrement, en fait, s'il n'y en a pas, on va y rajouter en post-production. On va pouvoir éliminer quelqu'un aussi. Peut-être. Je pourrais payer 50 cents, moi. Ton titre, c'est proportionnel et constant. Donc, j'imagine qu'on revient sur la température du moment. Oui, tout à fait. C'est dans le rouge. C'est dans le rouge. Mettons. Plus que dans le rouge. Bourgogne. Bourgogne, ouais, c'est ça. C'est comme qui perd Bourgogne, l'émission. Qui perd Bourgogne. Donc, le Parti libéral du Québec qui forme désormais le gouvernement majoritaire au Québec. 70 sièges. Major qui est aussi le signe que les Québécois ont envoyé vers le parti. C'est le majorité, ouais. Le système majoritaire uninominal à un tour. C'est comme ça qu'on appelle notre système. Uninominal. OK. Jippy et son petit goût aigre doux. Les péripéties de Jippy, épisode 10. Jippy en vacances au bord de la mer. C'était Jippy qui apprenait à nager. Lâche pas mon Jippy. Il y a bien quelqu'un qui va venir te sauver. Il me semble, ça sonne pareil comme quand il buvait du café à Salut Bonjour la semaine passée. Ah, mais il fait ça avec classe, là, au bord de l'eau de mer. Vraiment? C'était les meilleurs moments d'assemblage requis pour la semaine du 7 avril 2014. Puis, je sais pas s'il est sorti de l'eau, finalement, JP. Je sais pas, j'ai pas eu de nouvelles de lui depuis mardi, je pense. Mais non, il vient plus travailler. Mais non, c'est ça. Dans la soirée. C'est pas vrai. Non. On le sort début de semaine à l'assemblage requis, mais il est là toute la semaine ici à Cifou. Ben oui, il est caché en arrière de moi pendant que je co-anime. Il fait mes bras. Ah, c'est lui, ça. Wow. Ouais. C'est pour ça les poils. T'as pas les bras pour lui, pantoute. C'est pas vrai. Donc, voilà pour le sort classique. On fait ça toutes les semaines. Et écoutez-nous, évidemment, du lundi au jeudi, entre 6h30 et 9h30, en direct à partir de 7h30. C'est Jean-Philippe Charbonneau, Stéphanie Paradis et moi, Mathieu Plante. C'est ça. C'est pas notre plein de chroniqueurs, tous plus talentueux que les uns que les autres. Tous. Il y avait juste des matins, là, David Ferron qui est passé. Ah, les Ferrons, c'est une bonne idée. Les Ferrons. Oh. Bref, assemblagerequis.com pour les précédentes capsules et pour les balados diffusion, les notes de l'émission d'Assemblage Requis, les palmarès, c'est fou les autres.